Chers auditeurs, vous pouvez appeler le numéro 078-244-57-54 pour essayer de deviner le son qui se cache derrière cet enregistrement. C'était un enregistrement de Raphaël Racouya, artiste sonore et musicien. Je te vois rigoler, Rudy. Parce que Thibaut, il tend l'oreille, parce qu'en fait, il n'en peut plus de savoir qu'est-ce que c'est ce son. Mais tu lui dis juste que c'est un son de Raphaël Racouya, alors qu'on voudrait savoir que c'est un son de quoi. Mais d'ailleurs, on a un petit délai avec les auditeurs qui nous écoutent sur la web radio, qui est de 30 secondes, parfois en minutes. Donc peut-être on peut demander à nos invités si peut-être ils ont une idée ou une suggestion de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça évoque à vous, ce son. Ah, c'est Raphaël Racouya qui... le fréquentant parfois, il a ce drôle de... C'est lui-même. Ouais, même quand il bouge pas, il fait ce son-là. Non, de la friture de coquillage. Friture de coquillage. Des coquillages faits à la poêle dans de l'huile chaude. Pas mal. D'autres idées? Faire des spaghettis à la vongolais ou quelque chose comme ça? Le petit coquillage, oui, donc pas des moules, plutôt petit. Moi, je reviens à l'œuf au plat. Ronds, ah, les allongés, là? Balourdes. Ah, ouais. Des balourdes. Balourdes en friture. Ouais. Ouais. Okay. D'autres propositions autour de la table? Ah, j'ai pas mieux. Alain? Non, dans le même ordre d'idée des pop-corns, mais il faudrait que ça soit vraiment réussi, je pense. Parce que les pop-corns ne sautent pas tous en même temps. Et moi, je me demandais combien on avait d'auditeurs et d'auditrices en ligne actuellement. 10. 10. Alors, s'il vous plaît, que quelqu'un appelle. Parce que depuis quelques jours, je sens que les gens sont plus timides. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et du coup, on va augmenter le prix. Pour ce soir, il y aura deux concerts offerts. Le concert de Emmanuel Holterbach à 19h. Pour Gambard. Je crois qu'il est gratuit, donc c'est il est gratuit, cadeau. Il ne faut pas le dire. Mais on vous assure par contre la place, parce que c'est entrée libre dans la limite de places disponibles. Donc même si vous arrivez en retard, on va vous laisser rentrer. et le concert à 21h qui promet, parce qu'ils ont dans la grande salle, ils ont installé un grand filet pour... Ah bon? Oui. Un filet de pêche? Parce qu'il ça ressemble à... bon, je crois que c'est pour protéger les spectateurs. Ah, ou, Ah oui, bien sûr. Du coup, ça fait un peu salle de badminton. Okay. Du coup, c'est le concert de Steve Beresford, Max Eastley et David Taub. Eux, c'est le compositeur. Et donc, il y aura 4 performeurs qui vont activer les instruments. Ça va être incroyable. Et puis sinon, à 22h30, Meryl Hemp au Salon d'écoute, ça pourrait aussi être une possibilité. Exactement. On met ça même dans le panier. Voilà, du prix. Si vous avez des préférences. Donc, jetez-vous sur votre téléphone tout de suite, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le réécoute? Parce que moi, je... On peut le réécouter, oui. En fait, je n'ai pas entendu la réponse, donc je serais incapable de dire win ou lose. Donc, il faudra attendre la réponse. Oui, j'ai une petite idée aussi, mais je ne sais pas si... Tu as le droit, Clara, de gagner une place. Si je peux dire. Moi, j'aurais plus vu... Attention. Allô? Oui, bonjour. Ouh là, il y a de l'écho, là. Pardon. Est-ce que vous pouvez baisser votre radio comme ils font dans les vraies radios? C'est la phrase qu'on attendait de dire depuis une semaine. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste? C'est une blague sonore. Ah, c'était trop bien, l'écho. Alors, voilà, c'est fini. Quelle est la proposition? Donc, ce n'est pas le son de coquillage dans une poêle. Ah non, ce n'est pas ça? C'est pas ça. Ce n'est pas des palourdes. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est le son de la glace. Encore de la glace? Ça suffit. Déjà, il y en a hier soir, avant-hier. De la glace. Alors, il y a deux propositions. Okay. Soit c'est le son de la glace, soit c'est les sons de coquillages, mais sous l'eau. Ah, des pommes. Ok, donc il y a coquillage dans la glace. Il y a coquillage. Oui, oui, oui, oui, on a reconnu. Alors, on va, en fait, on va écouter ensemble la réponse parce que moi, je ne la connais pas, donc je ne peux pas vous dire si c'est gagné ou pas. Super. Donc, on écoute. C'était il y a déjà quelques années, j'étais en montagne. C'était l'hiver. La nuit, je suis sorti du chalet avec mon matériel pour partir enregistrer des sons. Je me suis mis à marcher. Parfois, je m'arrêtais et j'ai écouté le silence. En plus d'un microphone, disons, traditionnel, j'avais emporté avec moi un hydrophone, au cas où. L'hydrophone, c'est assez amusant. Il permet d'enregistrer des sons aqueux. On peut le mettre dans l'eau et entendre ce qui se passe. Et là, je me dis, mais un hydrophone, par définition, c'est étanche. Et si je le mettais dans la neige? Alors je creuse un peu, j'y dépose l'hydrophone, je remplis le trou, je tasse un peu. Je m'attendais pas à grand-chose. Probablement que j'aurais du rien. La neige, c'est inerte. On est en hiver, c'est froid, c'est mort. Congratulations, oui, parce que une double surprise parce que c'est, on va dire, quasiment la première fois que quelqu'un donne la bonne réponse. Ouais. Donc bravo. C'est quoi ton prénom? C'est encore au téléphone? Bah écoutez, c'est Olga. Oui. Olga, on ne t'avait pas reconnu. J'ai pas besoin de billets, c'est juste pour relever le défi parce que personne n'a bravo. Appelé. Mais bravo. Bravo. Trop forte. Ouais, on est tous bluffés. C'est un peu à côté, mais... Oui, non, mais c'était quand même très chaud. Ouais. On t'invite donc toute la soirée. On te propose même à 18h, il y a un concert de Antoine Leng, que peut-être tu connais. Génial. Puis, donc, si tu veux, à 18h, il y a l'ensemble Contrechamps et Olga Kokcharova. Ça, c'est très intéressant, ça pourrait t'intéresser. Je serai là. Cool. Et à 19h30, il y a la cantine du festival qui va être excellent comme d'habitude. Donc, super. On boit un verre beaucoup. Pétillant. Merci exact. Beaucoup. Merci Olga. Merci beaucoup à Raphaël aussi, parce qu'on avait vraiment joué le jeu jusqu'au bout de ne pas écouter sa réponse et on ne s'attendait pas du tout à une aussi jolie proposition sonore. C'était même un petit documentaire sur son activité de prise de son. Hein. Voilà, donc c'était assez émouvant de découvrir ça.